Les forces américaines d'occupation de la Corée du Sud viennent d'introduire au port de Busan des équipements liés au programme Jupiter, plan de guerre biochimique contre notre République. À ce propos, le porte-parole de la direction du côté nord du Comité Pan-National d'enquête spéciale pour l'éclaircissement des dessous des crimes des GIs a publié le 20 courant une communication qui dit entre autres « Je condamne vertement les États-Unis qui n'hésitent pas à mener sur ce sol des armements meurtriers biochimiques dans le but d'infliger de nouveau à la nation coréenne des catastrophes inouïes et aussi les autorités très très sud-coréennes qui sont d'accord avec eux au lieu d'y protester. » Les États-Unis ont montré ainsi sans réserve leur tentative criminelle d'exterminer notre nation à l'aide des armes biochimiques en vue de réaliser leur ambition d'hégémonie mondiale. Ces jours-ci, ils ne cherchent chicane sans fondement autour d'on ne sait quelle menace d'armes biochimiques. En fait, ils visent à préparer un prétexte de provocation d'une guerre biochimique contre le Nord. Mais les États-Unis font une erreur de calcul. Nous n'en resterons jamais les bras croisés devant leurs machinations et balayerons entièrement manu militari l'empire du mal de notre planète pour ainsi dresser le bilan de l'affrontement avec les États-Unis. Les États-Unis sont tenus de ne pas considérer comme négligeables nos avertissements selon lesquels leur témérité militaire les mèneront à la ruine définitive la plus misérable. Les autorités sud-coréennes aussi doivent penser à des conséquences catastrophiques qui découleront de leur traîtrise d'avoir accepté les monnaies américaines de guerre biochimique contre l'humanité et collaborer comme leurs valets et agir avec raison. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora sont appelés à s'engager dans la lutte pan-nationale contre la provocation de guerre par les États-Unis, perturbateurs de la paix et de l'humanité et meneurs barbares de l'agression, et les autorités sud-coréennes qui suivent les machinations de provocation de guerre biochimique de leurs suzerains.